toi les miroirs de ce monde éternel l'espoir. Tout le monde qui veut te détruire pour amener la guerre, pourtant pour te construire il nous faut encore des siècles. L'Afrique est continent des miracles, ça nous étonne aujourd'hui, rien n'avance à cause de ces gens qui aiment le pouvoir. Troisième mandat, dictature, notre culture devient l'égoïsme, famine, violence, tuerie, pauvreté. Et maintenant la tête est tourmentée, vraiment je ne fais que la paix. Abat la guerre, rien que la paix, ne sont pas des sauvages qui viennent de la jungle. Et surtout, ça c'est l'Afrique. Aïe aïe aïe aïe, Hakuna Matata. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Tuna pinga ja, tuna pinga vita, tuna takamani. Tuna pinga ja, tuna pinga vita, tuna takamani. Yo, Baba, it's got me cold. Wanakufa tunawazika, ndugu zetu wa kila rika, na dunia ishabadilika, giza kuna mwanga wa kumulika. Magonjwa na njaa tunajikaza, tumaini letu ni ibada. Tupige na goti kwa Mungu Baba, atuondole shida na iadha. Binadamu wamekuwa wanyama, tumaweka juu leo ndo natutukana. Na hili jasho letu lishamwagika sana, wanataka na damu tunaanza kuumana. Hapana, tunaweza kuwa bora, tukawachora na tukaishi juu ya dola. Tunaweza kulala bora, wasiwasi ni wanini hakuna ving'ora. Na tukiweza ndo tunabeba Afrika yetu mbele kwa mbele forever, yeah. Tukibeba ndo tunacheza, yani haya ya ya ya, hakuna matata. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. AHRN, it's chemical. Mwana Luba, CMP, we be killing them. Yeah, hatutaki kubato bato na watoto. CMP, chemical, ACDR.